Document 2, page 100. Pendant les vacances, on va à la montagne ? Virginie, elle y va avec ses parents. Je sais, mais les sports d'hiver, c'est cher. Les parents de Virginie peuvent dépenser plus que nous pour les vacances. Et Martin, pourquoi il va faire du ski ? Ton frère ? Il y va avec les parents de son copain. Ce n'est pas juste. Il travaille moins que moi et il s'amuse plus que moi. Il a bien travaillé ce trimestre. Et nous, on va où ? À la mer. La mer, l'hiver ? Ce n'est pas très intéressant. Ce n'est pas l'hiver, c'est le printemps. Il fait beau en avril au bord de la Méditerranée. Et qu'est-ce qu'on va faire là-bas ? On va se promener sur la plage, bronzer. Prends tes lunettes de soleil et ton maillot de bain. On ne va pas pouvoir se baigner, il fait trop froid. Et puis moi, je suis fatiguée. Je vais plus me reposer à la mer qu'à la montagne. Moi, je n'ai pas envie de me reposer. Tu peux faire des randonnées avec ton frère dans la région. Prends tes chaussures de marche et ton sac à dos. Loïc, il m'énerve. Je préfère sortir avec Martin. Élodie, tu exagères. Tu t'amuses autant avec Loïc qu'avec Martin.